Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons poursuivre notre exploration des technologies motrices de l'immunologie. Je vous rappelle l'idée de ce cours, c'est de balayer les différentes technologies qui sont utilisées en immunologie et de voir celles qui sont motrices, c'est-à-dire qui poussent ou qui tirent la discipline. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne vous montrer en gros que des données qui sont extrêmement récentes, qui datent des tout dernières années et qui, pour la plupart, n'auraient pas pu être acquises sans des technologies nouvelles qui se sont développées récemment. Donc la semaine dernière, ce que nous avons vu, c'est ce qui se passe du côté des acides nucléiques, donc de l'ADN, de l'ARN, c'est-à-dire essentiellement de la génomique et de la transcriptomique, comme l'on dit, c'est-à-dire de l'analyse des gènes, des chromosomes, des génomes, d'un côté, et de l'autre, de l'expression des gènes dans une cellule, avec deux types de dispositifs à très haut débit. Les machines qui maintenant, les instruments permettent de séquencer de l'ADN à très haut débit, et de l'autre, les puces qui permettent de détecter simultanément l'expression, par hybridation, l'expression d'à peu près tous les gènes d'une cellule humaine en même temps. À l'évidence, ces technologies ont un potentiel très important que j'ai souligné la dernière fois, sur lequel, d'ailleurs, nous reviendrons vers la fin de cette série de cours, qui, je vous le rappelle, sera consacrée plus spécifiquement aux applications qui sont en train de se développer chez l'homme et dont on peut voir, auxquelles on peut supposer un certain avenir. Bien entendu, les acides nucléiques, ça n'est pas tout, et ça ne décrit pas les fonctions cellulaires, ou pas entièrement. Les protéines, les métabolites, il y a beaucoup d'autres éléments dans les cellules qui sont très importants, et il y a donc beaucoup d'autres techniques pour les étudier. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essentiellement de la biochimie, c'est-à-dire de voir les techniques qui permettent surtout d'analyser les protéines. Et la prochaine fois, et je laisse de côté délibérément cette fois-ci ce qui touche à l'imagerie, que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Alors, donc à part le séquençage des acides nucléiques et les applications du séquençage, nous voici donc aux autres techniques moléculaires. Et puis ensuite, je vous parlerai de quelques techniques qui sont plus spécifiques de l'immunologie. Encore que la plupart des techniques que je vous décris sont applicables à l'immunologie, mais l'immunologie a développé un certain nombre de techniques qui lui sont propres. Bien entendu, la grande tradition de la biologie moléculaire, c'est la détermination des structures. Donc on est dans le domaine de la chimie, si vous voulez. En chimie, on détermine la structure d'une molécule à la fois par sa composition et puis ensuite par sa structure dans l'espace. C'est plus compliqué avec les macromolécules biologiques, mais c'est fondamentalement la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de la composition de la molécule. Pour l'ADN, c'est la séquence de l'ADN qui donne sa composition, mais on a besoin de la structure tridimensionnelle, et c'est particulièrement vrai pour les protéines. Alors, il y a belle lurette belle lurette depuis les années 50. La cristallographie aux rayons X a été appliquée pour la détermination de la structure des protéines. Et depuis, cette cristallographie a fait des progrès très importants. Les techniques de résonance magnétique nucléaire également. Et je vais simplement vous décrire rapidement le type de progrès qui est en cours. D'abord, on a commencé par des protéines petites, relativement petites, et maintenant on passe aux grosses. Et puis on a d'autres problèmes, c'est que beaucoup de protéines sont des protéines qui ont des ajouts, par exemple des sucres, des modifications dites post-traductionnelles, qui ont évidemment des formulations chimiques différentes, et elles ne sont pas toujours faciles à étudier. Il y a les protéines membranaires qui ont des propriétés pour s'insérer dans les membranes. Elles ont des propriétés, des régions hydrophobes, et donc elles sont plus difficiles à étudier. Et puis, il y a bien sûr des agrégats organisés de protéines. Alors, vous avez des organites comme les ribosomes ou les protéasomes, dont on va discuter. Vous avez des virus. Et puis, vous avez ces agrégats fluides, si je peux dire, qui se forment, par exemple, à l'occasion de l'initiation de la transcription autour de l'ARN polymérase. Alors, je vous montre rapidement quelques illustrations de ces progrès, encore une fois dans la littérature récente. Voici un article récent qui montre la structure d'une ARN polymérase complexée à un facteur de transcription, le facteur TF2B. C'est un article qui vient du laboratoire de Roger Kornberg, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs pour son travail dans le domaine de la structure des ARN polymérases. Et l'intérêt de ce travail, que je ne vais pas vous détailler, c'est qu'il permet de mieux comprendre la manière dont la polymérase progresse le long de l'ADN et synthétise le brin complémentaire. Et vous voyez qu'on atteint des niveaux de structure qui sont assez détaillés et qui concernent un très grand nombre d'atomes. Il en va de même de cet article où l'on voit de très beaux clichés qui maintenant touchent à la structure d'un virus. Il s'agit du virus RSV, le virus respiratoire syncytial. Et la détermination de la structure de ces gros agrégats organisés que constituent les virus est évidemment un espèce de défi considérable pour les structuralistes. Et voici un très beau travail qui montre l'organisation d'un décamère, en fait, de la nucléoplasmide associée à l'ARN. Donc ces technologies progressent et elles progressent également d'une autre manière qui est intéressante de voir, c'est par une certaine forme d'imagerie, mais au niveau des molécules, et c'est une imagerie qui est destinée à révéler des structures plutôt qu'à révéler des fonctions. Et je prends l'exemple ici de ce qu'on appelle le protéasome 26S, enfin le protéasome. Le protéasome est une structure complexe qui est formée d'une série de protéines agrégées dans un espèce de tonneau. Et c'est une structure extrêmement conservée que l'on trouve chez la mouche, chez la souris, chez l'homme, dans beaucoup de types cellulaires, et c'est, y compris d'ailleurs sous une forme un peu différente chez les bactéries. Et c'est une structure qui est fonctionnellement très importante parce qu'elle intervient dans la dégradation des protéines. Le protéasome est important en immunologie parce que c'est l'instrument majeur par lequel les protéines dégradées livrent des peptides qui sont ensuite transportés et exposés à la surface par les antigènes majeurs d'histocompatibilité. Donc en fait, il joue un rôle majeur en immunologie. Et l'architecture de ces protéasomes commence à être bien comprise. Et ce qui est intéressant, c'est que le protéasome 20S, c'est-à-dire un sous-ensemble du protéasome que je vais vous montrer, peut être cristallisé, et donc il y a une structure tridimensionnelle qui a été déterminée il y a quelques années par les voies conventionnelles, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque fois, c'est une magnifique acrobatie de réussir à déterminer des structures aussi importantes. Mais l'étape suivante du protéasome équipé avec un certain nombre de compléments protéiques, notamment une espèce de couvercle et puis une ATPase et puis d'autres choses, pas moyen de cristalliser ça. Pas moyen de cristalliser, probablement parce que c'est en fait un mélange de structures. Et donc il y a problème et la cristallographie ne suffit plus. Et donc ce qu'a fait notamment l'équipe de Baumeister, c'est de faire de l'imagerie moléculaire à très haute résolution, sans que l'imagerie par microscopie électronique. Et l'idée générale que je vous donne, le principe général, consiste à prendre beaucoup de clichés. Et bien sûr, ces clichés, je vais vous en montrer quelques-uns, ces clichés vont montrer qu'en fait, il y a effectivement quelques structures qui sont différentes, soit par leur orientation, soit parce que le chapeau n'est pas placé, le couvercle n'est pas placé de la même manière, etc. Et donc, quand on dispose de beaucoup de ces clichés, on peut ensuite les classer, essayer de déterminer des catégories. Et donc, après cette espèce de déconvolution, d'organisation en catégories structurales supposées, présumées, eh bien, on modélise. Donc, on fait tourner à la fois les cellules grises du cerveau et les ordinateurs pour arriver à modéliser ces structures. Et dans ce que je vais vous montrer, comme la structure du noyau central, le protéasome 20S, a été déterminée par cristallographie aux rayons X, eh bien, elle peut servir de référence pour calibrer tout le reste. Bon. Et donc, c'est ce qui a été fait, et je vais vous montrer à peu près à quoi ça donne. Donc voilà, au centre, les clichés qui sont observés en gros par microscopie électronique, en fait c'est la cryomicroscopie électronique, et voilà ensuite l'imagerie qui en est faite, et là c'est de la reconstitution d'images avec une stratification des images dans l'espace, et à partir des catégories qui sont là, le protéasome central, la partie centrale qui est ici, servant de référence puisqu'elle a servi. Elle a été déterminée par cristallographie aux rayons X, comme je vous l'ai dit. L'idée est d'arriver à modéliser les autres parties qui, elles, fluctuent et donc rendaient la cristallographie impossible. Le résultat des courses, c'est que, effectivement, on parvient, enfin, les auteurs sont parvenus à modéliser les différentes structures et parvenir à des remarques intéressantes. Vous voyez ici que le couvercle est effectivement variable en structure, la TPase est en rouge au milieu, et vous voyez, la flèche l'indique, que certaines des structures sont dotées d'un élément supplémentaire, d'autres pas, et donc il y avait bien une hétérogénéité structurale dans la préparation supposée homogène, qui rendait impossible la détermination de la structure par les voies habituelles, cet ajout étant lié au système d'ubiquitination et donc d'initiation de la dégradation des protéines. Donc, voilà un instrument supplémentaire qui peut être utilisé par les chercheurs pour déterminer des structures. Alors, il y a un effort considérable pour essayer de prédire les structures, parce que théoriquement, on devrait être capable à partir de la séquence d'une protéine, enfin, c'est pas impossible, c'est pas impensable qu'on puisse imaginer prédire la structure des protéines. En fait, pour l'instant, les plus gros ordinateurs et les meilleurs cerveaux n'y parviennent pas complètement. Néanmoins, les bases de données, comme vous allez le voir, augmentent, s'enrichissent sans arrêt, et du coup, il y a des espèces de modules structuraux qui ont l'air d'avoir une certaine conservation dans l'évolution et qui donc permettent de donner des points d'appui pour tenter des modélisations, ensuite les comparer à d'autres données expérimentales. Alors c'est un domaine très complexe dans lequel je ne vais pas rentrer, qui est associé incidemment à un autre problème qui est de représenter, de visualiser en 3D, mais ça suppose une modélisation des structures. Et je tiens à vous montrer le cliché suivant parce qu'il dit quelque chose sur la manière dont le champ s'organise aujourd'hui ou a commencé à s'organiser depuis quelque temps. Ce qui vous est montré ici est un portail dans lequel on trouve plusieurs millions de modèles de structures, de protéines, avec pas mal de modèles pour la même protéine. Mais on trouve plusieurs millions de structures. Et la structure du portail est celle-ci. Vous avez toutes sortes de bases de données qui sont organisées et qu'on cherche à homogénéiser de façon qu'on puisse effectivement exploiter une information qui, historiquement, s'est créée dans différents endroits, avec différents systèmes d'annexage, avec différents systèmes de modèles, etc. Et je pense que ça décrit bien l'un des problèmes de la biologie contemporaine, qui est effectivement de faire en sorte que les données acquises ici et là dans le monde entier soient effectivement utilisables par tous. Or, elles sont généralement acquises localement avec des protocoles qui ne sont pas forcément normés. Et donc, il y a besoin d'un très gros travail complémentaire pour arriver à organiser ces données dans des dispositifs qui soient exploitables. Donc, bien entendu, ceci n'est fait que pour illustrer ce point qui est un point, donc, en réalité, d'organisation de la recherche et d'organisation de la connaissance. Alors, en plus, en matière de biochimie, il y a des gains de sensibilité et de résolution qui sont obtenus dans à peu près toutes les techniques, dans toutes les techniques biochimiques habituelles. Alors, je ne vais pas vous tout vous dire là-dessus, mais je vais vous indiquer quels sont un certain nombre de points qui me paraissent importants. Alors, vous savez tous ce que c'est que la spectrométrie de masse, qui est une technique extrêmement puissante, qui en gros consiste à prendre une protéine, la dégrader et à mesurer la taille des différents fragments. Et cette technologie de spectrométrie de masse, qui est quand même tellement fine qu'elle permet de détecter des variations de masse d'un dalton, et donc on détecte un atome de différence, cette spectrométrie de masse est évidemment une technique de choix pour essayer de caractériser des mélanges complexes. Le mélange complexe le plus intéressant, le plus important, c'est le plasma humain. Parce que l'analyse du plasma humain emporte évidemment un certain nombre d'enjeux considérables en matière de diagnostic. Et donc, je vous mentionne simplement l'existence, là encore, d'un projet mondial d'analyse du protéome qui s'appelle HUPO, et c'est Human Plasma Proteome Project. Et je discuterai ce projet, puisqu'il s'applique très spécifiquement à l'homme, dans la suite du cours. Donc je ne le discute pas maintenant. Je vous exposerai également plus en détail, et notamment à la fin de ce cours et la prochaine fois, qu'il y a de nombreux tests qui sont maintenant fondés sur la fluorescence, ce qui veut dire d'ailleurs qu'en gros, la radioactivité fait partie du passé. Plus personne ou presque n'utilise de traceurs radioactifs. Tout est maintenant mesuré par, notamment par fluorescence, et avec des gains de sensibilité qui sont souvent liés aux analyses à haut débit, parce que ces analyses demandent une sensibilité accrue, et si on ne dispose pas d'une très très belle sensibilité, on n'y arrive pas. Et vous en verrez un certain nombre d'exemples. Je voudrais vous citer maintenant et rentrer dans des détails un peu plus en détail deux grandes catégories de molécules qui jouent un rôle extrêmement important comme support, si vous voulez, de la recherche et dans une certaine mesure du diagnostic et de la thérapie. Les premières de ces molécules sont bien connues, ce sont les anticorps, et on les appelle monoclonaux, c'est-à-dire que quand on dit qu'on a un anticorps monoclonal, c'est qu'il est produit par une seule cellule qui ne produit qu'un anticorps, donc il est pur. Donc au lieu d'avoir une soupe de molécules, comme on a dans le plasma, si vous voulez, on peut isoler des anticorps du plasma, mais c'est une soupe extrêmement complexe, un anticorps monoclonal est pur. Et donc pour produire des anticorps monoclonaux, je vous l'ai dit la dernière fois, on peut immortaliser des cellules B de souris, mais ensuite on peut se livrer à une certaine ingénierie parce que si on veut utiliser ces anticorps chez l'homme et notamment en thérapie, et je vous ai dit que ces anticorps monoclonaux étaient des instruments importants aujourd'hui en tant que médicaments pour lutter contre certains cancers, eh bien il faut les humaniser, entre guillemets, c'est-à-dire leur donner une structure qui soit de l'ordre de celle des anticorps humains. Pour l'excellente raison que sinon, comme ce sont des anticorps de souris, ils sont reconnus comme étrangers lorsqu'on les injecte chez l'homme, qu'il faut des anticorps, qui fait qu'on neutralise le médicament. Donc ça ne colle pas. Donc il y a des techniques qui servent à humaniser, c'est de la biologie moléculaire pure et dure. On prend les séquences, on les compare, on les machine, et on reproduit au maximum la séquence humaine, sauf dans les régions hypervariables qui portent la spécificité de l'anticorps. Donc la souris sert à isoler les spécificités sous forme de régions hypervariables, et puis ensuite on humanise le reste. Alors il y a d'autres techniques, par exemple on peut humaniser des souris et donc leur greffer des bouts de système immunitaire humain, et je vous expliquerai dans quelques moments comment on peut faire ça, à partir de quoi on peut essayer d'immuniser une souris et puis d'isoler des anticorps monoclonaux humains directement à partir de ces souris dites humanisées. Une autre méthode consiste à prendre simplement les cellules B humaines, d'un patient, par exemple, un patient qui fait une infection nosocomiale, si vous voulez, donc qui est infecté par le staphylocoque, je ne sais pas quoi, ou par un virus. Et donc, on prend le virus qui s'appelle EBV, le virus Epstein-Barr, on immortalise les cellules B, on arrive à les trier, et puis on arrive à isoler directement l'anticorps humain en question, sauf que l'immortalisation des cellules humaines est un petit peu acrobatique, et donc ça pose un peu problème. Mais ça commence à se faire. Il y a une autre technique qui consiste à faire des librairies d'anticorps dans d'autres vecteurs. Et le vecteur le plus utilisé, c'est les bactériophages. Mais on fait ça également dans des bactéries, dans les Escherichia coli, dans des levures. Et donc l'idée est très, très astucieuse, mais c'est une idée ancienne, donc ces technologies sont essentiellement mûres, je les rapporte pour mémoire. L'idée, c'est qu'avec ces... on s'arrange pour que l'anticorps qui est codé par le génome du bactériophage soit exposé à la surface de la capside. De la sorte, vous pouvez faire un mélange de bactériophages qui tous portent un anticorps différent à la surface, et donc vous pouvez tout simplement faire une colonne avec l'antigène et retenir le bactériophage qui a le bon anticorps à la surface, à partir de quoi vous pouvez l'amplifier puisque vous disposez de l'ADN du bactériophage, et donc c'est un moyen extrêmement puissant de purifier des anticorps. Et vous pouvez faire votre bibliothèque de bactériophages ou de levures recombinants directement, bien sûr, avec des séquences d'anticorps humaines. La diversité de ces bibliothèques aujourd'hui dépasse les 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards de spécificités différentes. Et donc, dans ces 10 milliards de spécificités, lorsque vous prenez un antigène donné, vous avez une assez bonne probabilité d'isoler des bactériophages qui ont le bon anticorps à la surface. Alors, il y a d'autres subtilités, notamment une curiosité de la nature, qui est que le chameau, le lama et la vigogne, les camélidés donc, ont la particularité d'exprimer une partie de leurs anticorps sous forme monocaténaire. J'avais détaillé ça d'ailleurs dans un cours antérieur, c'est une bizarrerie de la nature qui fait que pour un anticorps monocaténaire, les régions hypervariables sont hyper développées pour compenser le gain d'affinité ou la perte d'affinité liée à l'absence d'une région variable, d'une région légère, et donc on a directement des anticorps monocaténaires qui sont plus faciles à manipuler. Bref, il y a une véritable ingénierie de tout cela, et en plus, vous avez toutes sortes de techniques aujourd'hui qui permettent de refaire de la mutagénèse in vitro pour améliorer l'affinité, et vous avez encore beaucoup de techniques qui vise à adapter l'anticorps en question à l'emploi qu'on veut en faire. Par exemple, vous avez besoin de faire pour du diagnostic, quelque chose, enfin, ou un autre emploi, ou certaines formes de recherche, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui résiste à une température relativement élevée, je ne sais pas combien, 50, 60 degrés par exemple. D'habitude, un anticorps se débobine, mais si vous travaillez correctement, vous arriverez in vitro à isoler un anticorps qui est résistant à la température, qui garde sa spécificité, parce que vous aurez amélioré telle ou telle liaison interne qui permet de consolider la structure à haute température, et donc vous pouvez améliorer les propriétés des anticorps pour l'in vitro et d'ailleurs aussi pour l'in vivo. Car l'un des enjeux des anticorps, et là, cet enjeu-là n'est pas encore atteint, n'est pas un enjeu de thérapeutique, c'est un enjeu d'imagerie et donc de diagnostic in vivo. Bien entendu, on pense depuis très longtemps à injecter des anticorps marqués avec des molécules détectables, initialement radioactives ou fluorescentes, etc. Et l'idée est ensuite de pouvoir détecter si, par exemple, l'anticorps spécifique d'une tumeur va se loger quelque part et détecte une tumeur. Bon. Et donc, ces techniques d'imagerie sont en pleine recherche à l'heure actuelle, sans qu'à mon sens, on ait encore débouché sur des résultats tout à fait, enfin de routine en tout cas. Ces anticorps peuvent servir à la thérapie et les améliorer, encore une fois, ça peut être par exemple travailler de telle sorte qu'ils n'aient pas tendance à s'agréger, ce qui peut poser des problèmes et même des problèmes extrêmement graves, comme on l'a vu récemment, des modifications post-translationnelles, etc., etc. Donc il y a un énorme corpus de savoir-faire sur la question de ces anticorps. Et pour vous indiquer une des directions qui est en train de... Parce que ça, ce sont des technologies dont je dis qu'elles sont essentiellement mûres. Hein, ces technologies ont été découvertes il y a plus de 5 ans. Mais une des directions que prend le champ, c'est la chose suivante. D'abord, je vous montre ici, ça c'est basique, la structure habituelle d'un anticorps avec les régions constantes, les régions variables, la chaîne légère que vous voyez ici par rapport à la chaîne lourde qui est plus longue, etc. Ça, c'est bien connu. Et je vous montre ceci qui est, ça c'est dans les livres pour les étudiants, hein, qui vous montre la structure tout à fait caractéristique des domaines constants et variables des anticorps, juste pour vous indiquer qu'il y a une espèce de squelette qui fournit une sorte de base structurale sur laquelle on peut s'appuyer pour faire une véritable chimie. Et du moment qu'on respecte cette structure, on garde certaines propriétés des molécules et on peut évoluer vers une sorte de chimie et notamment de chimie des domaines. Et ce qui se produit en ce moment, c'est qu'il y a une série de réactifs qui sont en train d'être produits à partir de domaines isolés. Donc ça donne des micro-anticorps, si vous voulez, ou des nanobodies, comme on dit, des nano-anticorps, qui sont des toutes petites, des structures beaucoup plus petites, en gros 10 fois plus petites que l'anticorps de type IgG1 en l'espèce, donc 12 à 15 000 Dalton. Et donc, par exemple, on peut prendre un des domaines, qui est le CH2 des chaînes lourdes, bon, et en travaillant là-dessus, on arrive à développer et lui greffer des zones spécifiques et en faire des molécules qui ont des capacités de reconnaissance spécifiques. L'intérêt de ça, c'est que ces molécules étant beaucoup plus petites, elles sont plus faciles à manipuler et elles sont elles diffusent beaucoup plus facilement. Incidemment, certaines d'entre elles pénètrent beaucoup plus facilement dans des régions de reconnaissance que les anticorps ont du mal à détecter. Et ça peut rentrer plus facilement dans les cellules, ça diffuse plus facilement, ça a beaucoup de propriétés qui peuvent être intéressantes du point de vue de la pharmacocinétique, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est les domaines CH2. Et je vous donne simplement une liste d'articles. Et la simple liste, les titres sont éclairants. Par exemple, vous pouvez introduire dans une cellule le gène qui code pour un de ces nano-anticorps. Et par exemple, ce gène va se coller, il a été conçu pour fabriquer un nano-anticorps qui va se coller à une des protéines de la cellule. Ce que ça fait, c'est que ça peut intervenir, influer sur la conformation de la protéine en cours de transport, par exemple. Et du coup, ça vous permet d'étudier le transport de la molécule de façon intracellulaire avec un espèce d'agent interne qui vous permet de modifier, d'adapter la structure de ce que vous cherchez. L'exemple suivant, c'est un exemple dans lequel d'ingénierie pure et dure, dans lequel vous savez que c'est les domaines anticorps ont des ponts du sulfure qui interviennent dans le repliement et dans la stabilité. Et là, c'est un moyen de faire l'engineering sans l'absence des ponts disulfures, etc., etc., etc. Je vous en montre encore d'autres ici. Ici, c'est un anticorps donc, qui vient du lama, et donc il est simple chaîne, et il arrive à cibler dans la protéine REV une région que apparemment on avait du mal à cibler avec d'autres anticorps. Ici est évoquée l'idée que ces anticorps puissent jouer un rôle de chaperonne en quelque sorte, c'est-à-dire d'aider au repliement correct de molécules qui ne se replient pas correctement. Et bien entendu, quand vous réfléchissez selon cet axe, vous pensez à toutes les pathologies du mauvais repliement des protéines, et notamment à l'Alzheimer, qui est l'une des plus tristement célèbres d'entre elles. Et le dernier article vous montre qu'un intra-anticorps, comme je l'ai évoqué, contre l'un de ces récepteurs TOL qui interviennent dans la reconnaissance des agents infectieux et d'autres choses, peut être fabriqué in situ dans la cellule et bloquer l'expression du récepteur TOL. Bref, vous avez là, en termes de perspective, deux axes. Le premier, donc, c'est d'avoir des molécules qui sont beaucoup plus petites et plus faciles à manipuler et peut-être à utiliser. Et deuxièmement, vous avez cette idée que vous pouvez intervenir maintenant par des méthodes en recherche, hein, pour l'instant par des méthodes de transfection, de transformation, etc. Vous pouvez intervenir sur des phénomènes de biologie intracellulaire pour les étudier. Donc de nouveaux réactifs pour travailler en biologie intracellulaire. Je voudrais parler de cette autre classe de molécules qui est assez étrange et qui est totalement différente et qui s'appelle les aptamères. Il est assez curieux de voir que ces aptamères, qui ont été découverts il y a une quinzaine d'années, ils ne sont pas très populaires. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne font pas l'objet de beaucoup de publicité, alors qu'ils représentent en tout cas, un phénomène, une classe de phénomènes tout à fait extraordinaire. Ce sont des molécules d'ARN ou d'ADN qui ont été sélectionnées in vitro pour se coller avec une forte affinité et donc souvent une excellente spécificité sur des cibles, y compris des protéines. L'idée que l'ARN notamment peut se replier et faire quelque chose qui se colle spécifiquement à une protéine, ce n'est pas neuf, puisqu'après tout, l'ARN, la structure des ribosomes est articulée autour d'ARN qui constitue un squelette. Mais l'idée, là, c'est que on peut les fabriquer à façon, quoi. Et donc, on peut créer, là encore, des bibliothèques de séquences. Et de façon, et je trouve ça personnellement très, très, très interpellant, si vous voulez, on crée visiblement, c'est l'expérience qui le dit, on crée un monde de structures qui est apparemment aussi divers que le monde des anticorps. Et avec des capacités de liaison qui sont extraordinairement variées. Alors, puisqu'il s'agit d'acides nucléiques, évidemment, ça donne accès aux technologies qui sont disponibles pour les acides nucléiques, c'est-à-dire que ces aptamères sont ensuite faciles à synthétiser chimiquement, notamment. On peut les amplifier, bien sûr. Enfin, c'est des acides nucléiques, donc on peut travailler avec ça comme avec des acides nucléiques. Exactement de la même manière que pour les anticorps, ben, on peut les travailler pour les perfectionner, les adapter à tel ou tel moyen, etc. Et notamment, l'une des modifications les plus importantes, c'est que s'agissant d'acides nucléiques qui sont sensibles aux nucléases, les nucléases, donc, ce sont des enzymes qui dégradent les acides nucléiques, l'ARN étant notoirement fragile, sauf lorsqu'il est extrêmement bien structuré, mais on peut les travailler, encore une fois, de façon à les rendre résistants aux nucléases, l'idée générale étant effectivement de les rendre résistants dans des conditions où ils sont exposés à des jus cellulaires ou du plasma, par exemple, puisqu'il s'agit possiblement de réactifs de diagnostic. Et l'autre étant qu'après tout, ça pourrait faire des médicaments et on pourrait aussi les injecter. Donc, évidemment, il faut qu'ils soient résistants aux nucléases. J'en profite pour vous dire que tout cela émarge à une autre tradition qui est celle de l'emploi des oligonucléotides. Et ces oligonucléotides, on a su les rendre résistants aux nucléases en les resynthétisant avec des architectures un peu différentes qui effectivement font qu'ils sont complètement résistants aux nucléases. Et ces morpholinos, comme on en appelle certains d'entre eux, sont maintenant en développement clinique parce qu'ils sont stables dans l'organisme et s'ils se collent de façon complémentaire à certains gènes ou ARN messagers, ce qui suppose qu'ils pénètrent dans les cellules, ils peuvent devenir et sont en train de devenir des instruments de thérapie génique. Les aptamères, donc je reviens aux aptamères avec cette idée donc, que nous avons là un nouveau monde de structures qui apparemment recouvre lui aussi toutes les structures possibles de l'univers, puisque l'étonnement que j'éprouve pour ma part devant les anticorps, c'est qu'effectivement, ils recouvrent un monde de structures qui apparemment couvre toutes les structures possibles, puisqu'on arrive à faire des anticorps contre n'importe quoi. Donc, les aptamères, donc apparemment, c'est pareil. Alors, je vous cite ici un article qui illustre bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un article tout à fait récent, là encore, où ils ont créé, où a été créée une collection de 10 puissance 14 molécules différentes. Alors, 10 puissance 14 molécules différentes, c'est 10 000 fois plus que ce que je vous ai cité tout à l'heure en termes de bibliothèque d'anticorps recombinants. Donc, c'est un nombre absolument colossal. La manière dont ça se fait, c'est que c'est tout bête, on prend, pour des raisons techniques, de chaque côté 20 nucléotides qui sont conservés, donc qui servent à marquer la molécule, et puis au milieu, on synthétise de façon aléatoire. Donc évidemment, si vous synthétisez de façon aléatoire en mélangeant les 4 nucléotides à chaque fois, vous fabriquez 4 multiplié par 4 multiplié par 4 multiplié. Enfin bon, vous fabriquez une combinatoire énorme de séquences différentes. Donc, ce qu'ont fait les auteurs en question, c'est qu'au lieu d'utiliser la technique qui s'appelle SELEX, qui est une technique de passage successif pour essayer d'enrichir les populations, alors on peut le faire, comme c'est des acides nucléiques, on peut les amplifier à chaque fois, donc on a des méthodes d'enrichissement. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu voir si on est capable, avec les bons dispositifs, d'isoler beaucoup plus rapidement des aptamères spécifiques. Alors, ils ont pris la toxine botulinique, ce qui est peut-être une retombée du 11 septembre. Vous savez qu'après le 11 septembre et après l'histoire de l'anthrax aux États-Unis, il y a eu quelques milliards de dollars qui ont été injectés dans la recherche contre les armes biologiques. Et donc, à ce moment-là, la toxine botulinique est devenue très, très populaire, dans certains cas, pour obtenir des crédits. En tout cas, ils fabriquent des microbilles qui portent chacune environ 10 000 molécules, donc c'est vraiment des fifrelins, là, 10 000 molécules, c'est rien, de toxines botuliniques. Ils construisent un dispositif microfluidique dont je vais vous parler, que je vais vous montrer, et le résultat, c'est qu'ils arrivent à obtenir des aptamères avec des constantes de dissociation de 35 à 85 nanomolaires en une étape. Ce qui est un résultat pour moi très, très intéressant. Alors, voilà le schéma général de ce dispositif microfluidique. L'important est surtout que c'est un dispositif microfluidique qui est capable d'effectuer les détections. Alors, il y a toutes sortes d'astuces, hein, de biotinylation, etc., de billes avec de la streptavidine. Le point clé, si vous voulez, c'est que les systèmes de rétention sont incroyablement spécifiques, puisque si on part d'une bibliothèque de 10 puissance 14 différents, et si on arrive en une étape à isoler des aptamères, c'est qu'on a appliqué un facteur de purification absolument, absolument important. Donc, voilà une technique qui permet d'isoler en une étape des réactifs spécifiques d'à peu près, semble-t-il, d'à peu près n'importe quoi. Alors, là encore, ça ouvre un certain nombre de possibilités qui étaient ouvertes par le passé, mais ça les ouvre à un niveau considérable. Sachant que des réactifs spécifiques, on en a besoin pour beaucoup de choses, et notamment pour faire des puces, notamment pour faire des puces capables de reconnaître des produits spécifiques et beaucoup de produits spécifiques en même temps. Et donc, et nous allons y arriver dans un instant, de la même manière que vous avez des puces avec les 50 000 gènes de l'homme qui sont mis en grille sur les puces, de la même manière, nous allons le voir encore une fois, de la même manière, vous pouvez avoir des puces qui ont des milliers d'anticorps différents et qui sont capables donc de vous donner une image de ce qui se colle dessus, et donc vous pouvez analyser le plasma pour voir s'il y a telle et telle protéine circulante, etc., etc. Donc il y a un potentiel important là-dedans qui est juste en train de s'ouvrir ou de se développer. J'en profite, c'est un peu une digression, mais puisque je suis sur les aptamères, je ne résiste pas à vous faire la mention, parce que c'est très intéressant et peut-être important au plan de l'évolution, à vous faire mention du fait que certains de ces aptamères ont des propriétés enzymatiques. Et donc, certains de ces aptamères sont capables de catalyser des réactions, et certains sur eux-mêmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a toute une école de pensée aujourd'hui qui imagine que la vie est née à partir d'ARN, et donc qu'en quelque sorte des ARN se seraient développés un peu au hasard, et que certains, se dotant de propriétés catalytiques, auraient pu déclencher l'évolution et ensuite la naissance de la vie sous forme plus organisée. Les applications des aptamères, donc j'en ai parlé rapidement, substituent d'anticorps comme biosenseurs, biomarqueurs dans les dosages. Donc ça va de soi, c'est des réactifs spécifiques. Donc à partir de ça, évidemment, vous pouvez doser. Hein, il y a toutes sortes de manières de faire. Et puis, il y a des applications thérapeutiques potentielles. Et ça, je vous en parlerai, je vous donnerai un exemple à la fin du cours dans deux semaines, je pense. Je voulais quand même vous montrer la bobine des aptamères parce que vous vous demandez à quoi ça ressemble. Et voilà quelques aptamères qui ont des propriétés différentes. J'ai du mal à lire, je ne sais pas par cœur. Mais le premier est spécifique du facteur 9 de coagulation. Et le suivant, attendez, je regarde, encore un autre du facteur. Le troisième du facteur de von Willebrand, ici. Donc, si vous voulez, c'est des mondes de structure. Là, ça vous est figuré à deux dimensions, avec les appariements de l'ARN, comme on observe, hein, dans les structures ARN, les TARN, les ARN de transfert, les ARN ribosomiques, etc. Et donc, c'est ce monde de structure qui, encore une fois, est doté de propriétés de liaison et parfois de propriétés enzymatiques dont je vous ai parlé. Alors, j'en arrive maintenant à ce que je vous indiquais, c'est-à-dire de vous parler de protéomique à haut débit maintenant. Donc on oublie les aptamères, on revient aux protéines et on reste dans le monde des acides aminés et des protéines. Alors, faire de la protéomique à haut débit, ça a plusieurs visages, si je peux dire. Le premier, c'est que la cristallisation des protéines, comme je vous l'ai dit, c'est un instrument très important de détermination des structures. Évidemment, ça a ses limites en ce sens que toutes les protéines ne sont pas facilement cristallisables. Et deuxièmement, vous cristallisez généralement un état, alors qu'une protéine peut-être avoir plusieurs formes. Mais enfin, c'est une donnée de base totalement essentielle qui vous donne la localisation dans l'espace, atome par atome, de tous les atomes de la protéine. Donc, est-ce qu'on peut faire ça au débit ? Ben, la réponse, c'est que ça commence, mais le béaba, c'était de construire des robots pour la cristallisation elle-même. Alors, il y a quelques années, la cristallisation était un art, parce que pour arriver à faire cristalliser une protéine, un petit peu plus d'humidité, un poil de température, quelque chose, voilà. Et de temps en temps, ça cristallisait, de temps en temps, ça ne cristallise pas, alors on change les conditions, on reprend, etc. Les robots, eux, ils sont tout bêtes, ils analysent toutes les conditions les unes après les autres, et ils parallélisent tout ça, et cela suppose incidemment une miniaturisation des procédures, parce qu'on ne peut pas consommer non plus des grammes de protéines pour faire ça. Donc il faut opérer avec de petites quantités, moyennant quoi il y a effectivement d'énormes progrès qui ont été faits en matière de cristallisation grâce à ces robots. Et du coup, par derrière, eh bien, mon Dieu, la machine à cristalliser, à déterminer les structures par cristallographie, c'est largement accéléré. Derrière tout ça, il vous faut de l'informatique. Et comme je vous l'ai dit, on pourrait imaginer qu'on devrait être capable de déduire la structure des protéines à partir de la séquence des gènes. Oui, sauf que ce dont on a commencé à se rendre compte, c'est que il fallait peut-être faire intervenir dans la modélisation les protéines chaperones qui aident les protéines à structurer. Et donc, une partie du jeu intellectuel et mathématique qui conduit à essayer de prédire les séquences se préoccupe aujourd'hui d'essayer de faire intervenir les chaperones dans les prédictions, dans la modélisation et dans les prédictions de modélisation. Et comme je vous l'ai dit, c'est encore un exercice très difficile. Alors, vous avez ensuite la prothétique des mélanges. Alors, les mélanges, vous pouvez faire deux choses avec un mélange. Vous pouvez le séparer et vous pouvez l'analyser. Alors, le séparer, je reviendrai tout ça dans les applications à l'homme, parce qu'encore une fois, l'analyse du plasma est un enjeu absolument énorme en matière du développement de la biologie d'une part, de la biologie humaine bien entendu, mais c'est un enjeu énorme en matière du développement de la médecine, puisque finalement on n'a pas accès à tellement de choses en matière d'échantillons humains. En gros, les prises de sang sont quand même l'une des sources majeures que l'on peut analyser. Donc l'analyse du plasma est un enjeu extraordinairement important. Donc, on a différentes manières de faire. Je ne parlerai un peu plus tard du multiplexage, mais je vais vous parler un tout petit peu de spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse, comme je vous l'ai dit, ça coupe vous fabriquez des fragments d'une protéine donnée. Et donc, si vous le faites avec une protéine, pourquoi pas le faire avec un mélange ? C'est-à-dire que vous aurez beaucoup, beaucoup plus de fragments. Quand vous avez beaucoup, beaucoup plus de fragments, que vous avez les masses de chacun des fragments, vous pouvez imaginer qu'avec des programmes informatiques sophistiqués, vous pouvez analyser ce que vous obtenez et le comparer avec un certain nombre de prédictions, et notamment celles que vous faites à partir du génome. Parce qu'à partir du génome, vous savez que telle protéine va faire tant, et donc vous pouvez prédire que des fragments vont faire tant ou tant. Donc, si vous générez suffisamment de fragments et suffisamment bien, vous devriez être capable de vous référer au génome et ensuite de déterminer la structure du mélange. Alors, c'est loin d'être si simple que ça, et simplement, je vous l'indique comme étant une espèce de ligne idéale de développement dont on est effectivement très très loin dans la réalité. Ceci étant, il y a des applications beaucoup plus spécifiques et très importantes. Et j'en cite une ici, non pas uniquement pour vous souligner le point à lequel les omics sévissent dans la littérature, puisque maintenant la détermination des extrémités N-terminales des protéines s'est baptisée la N-terminal omique, ce qui est peut-être un petit peu abusif et à la limite du cuistre. Mais enfin, je vous mentionne ceci parce que l'enjeu est effectivement important. L'enjeu est important parce que dans une cellule, les protéines sont synthétisées, mais on sait maintenant que beaucoup d'entre elles sont clivées par des protéases spécifiques, et c'est le clivage de la protéine qui va donner naissance à la protéine active. Et donc, repérer les points de clivage est un enjeu important de compréhension d'une partie des processus biologiques. Je vous cite un exemple, et donc il y a des moyens de faire ça. Les moyens de faire ça, c'est de marquer, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, les extrémités N-terminales, et ensuite de les purifier, ensuite de faire la spectrométrie de masse. Et ça a été fait dans l'exemple que je vous cite ici, qui est un papier de Sell d'il y a un an à peu près, même pas, de six mois à peu près. Ça a été fait dans l'alvure. Ça a été d'analyser les protéines des mitochondries, et en fait de résoudre un paradoxe, une difficulté qui n'avait pas été levée depuis un certain temps, à savoir qu'il y avait un certain nombre de protéines qui n'avaient pas la bonne extrémité N-terminale, et la raison est qu'ils ont découvert une protéase qui coupe d'un acide aminé seulement, et du coup tout rentre dans l'ordre, et sur les 615 protéines qu'ils ont trouvées, ayant identifié la protéase qui retire l'acide aminé, ils ont résolu ce problème. Donc, vous pouvez avoir des formes, des approches de protéomique par purification à partir de mélanges plus ou moins complexes, disons. Et plus c'est complexe, évidemment, plus c'est difficile. Et comme je vous l'ai dit, concernant le plasma, et on en rediscutera dans deux semaines, je crois, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais c'est une des directions. Alors, l'autre approche, qui est une autre approche à haut débit, c'est de faire des puces. Alors, les puces, on en a parlé, vous avez des voilà, ça fait à peu près 1 cm sur 1 cm, ou ça peut être plus petit ou un peu plus grand, et l'idée, c'est de déposer un tas de réactifs spécifiques, et puis ensuite, vous mettez votre mélange, et puis ensuite, vous avez une image de la composition de votre mélange, si vous êtes capable de révéler ce qui s'est attaché spécifiquement sur la puce en question. Donc, parlons un peu des puces, et notamment des puces à anticorps. Donc des puces à anticorps, parce que vous pouvez avoir des puces de toutes sortes. J'en mentionne une au passage qui n'est pas inintéressante. Ce sont les puces qui contiennent des bouts d'ADN et qui sont en fait des bouts de promoteurs, donc de séquences qui se trouvent au début des gènes, généralement, hein, et sur lesquels viennent s'attacher les facteurs de transcription. Donc là, vous avez des puces qui vous permettent d'analyser, théoriquement en une fois, les facteurs de transcription qui viennent de telle ou telle cellule ou de telle ou telle cellule dans telle ou telle situation et de voir s'il y a une modification du spectre des facteurs de transcription dans telle ou telle situation. Bon, je les laisse de côté. Je me concentre sur les puces à anticorps. Alors là, c'est les puces dans lesquelles, tout simplement, on met des anticorps et puis ensuite, on a théoriquement un instrument de détection spécifique des anticorps qu'on a mis sur la puce, bien entendu. Alors, où est-ce qu'on en est de ça? On en est avec, et vous verrez qu'on en est beaucoup moins loin, si je peux dire, qu'on est avec les acides nucléiques, où je vous ai montré qu'on déposait des millions d'oligonucléotides sur moins d'un centimètre carré. Là, on n'en est pas là du tout. Sur un centimètre carré, on est capable aujourd'hui de déposer environ quelques centaines d'anticorps. La technologie a émergé dans les années 2000. Et aujourd'hui, on en est là, avec des tâches, des spots qui ont à peu près ça, et on arrive à incuber avec des microlitres de plasma. Donc, c'est des techniques extrêmement sensibles. Il faut vraiment de toutes petites quantités de plasma pour opérer. Et au bout de 3 heures, avec des tests de fluorescence, on arrive à voir les résultats. Donc, la question maintenant, c'est voilà où on en est, en 2010, comment on fait mieux ? Alors, comment on fait mieux? Ce papier vous donne les différents types de problèmes et les différentes approches. Pour faire mieux, il faut travailler sur le contenu de la puce. Alors, les spécificités, bien sûr, mais le nombre des anticorps, comme je vous ai dit, une bonne librairie d'anticorps, il y en a 10 milliards. Et là, on n'en met que quelques centaines sur la puce, donc il reste de la marge, hein. Il y a la manière de faire les puces, qui n'est pas évidente, et de les concevoir, pardon, qui n'est pas évidente. Il y a la manière de les fabriquer, et puis de faire les essais après. Donc il y a énormément de problèmes techniques derrière cette idée très simple de faire des puces et de détecter, bien entendu. Inutile de vous dire qu'il y a un intérêt industriel derrière en matière de développement de diagnostic qui est évident. Mais il y a un intérêt pour la recherche, parce qu'évidemment, quand on dispose de ces instruments, on est capable d'analyser des situations biologiques de façon beaucoup plus rapide. Donc je vous livre quelques indications sur le contenu des puces, d'abord, et comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, si vous voulez, ce n'est pas évident. On peut faire des librairies d'anticorps recombinants, mais le problème, il n'est pas uniquement là, parce qu'on peut avoir 10 milliards d'anticorps recombinants dans un tube. Le problème, c'est d'avoir assez d'anticorps spécifiques de telle ou telle molécule qu'on veut regarder. Donc l'analyse même de cette librairie, de cette bibliothèque d'anticorps, est un travail évidemment extrêmement complexe. C'est-à-dire que si on veut savoir détecter un anticorps de la myosine, par exemple, il faut avoir isolé déjà un anticorps anti-myosine. Donc, il faut déjà avoir les protéines, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de techniques qui se développent pour faire ça. En plus, si vous voulez, quand on prend des anticorps de recombinants, je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup d'ingénierie derrière. C'est un domaine qui est en soi en développement. Vous pouvez utiliser des anticorps monocaténaires. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez, par ingénierie, adapter votre anticorps à vos besoins. S'il faut qu'il soit résistant, je ne sais pas quoi, au pH ou à la température, ben, il faut travailler pour le rendre... Le travailler à l'échelle d'un anticorps, ça va bien, mais à l'échelle de milliers d'anticorps, c'est encore un autre problème. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple. Mais essentiellement, ce qu'il faut, c'est quand même une connaissance préalable du protéome, c'est-à-dire des protéines qu'on veut étudier. Alors, du coup, il y a une manière de faire ça. Il y a plusieurs manières de faire ça. Je pense que... Il y a plusieurs manières de faire ça, mais il y en a une qui est assez, amusante. C'est dire, bon, ben, on va partir du DNA. Et donc, on va mettre sur les puces, puisque là, le DNA, on sait faire beaucoup mieux. On va mettre sur les puces 10 000 cDNA. Donc, c'est des ADN complémentaires avec des promoteurs. C'est bricolé pour qu'ensuite, on puisse mettre la puce dans un système de synthèse de protéines in vitro. Et puis, si on s'y prend bien avec quelques astuces techniques, ça va synthétiser les protéines in vitro et puis elles vont se coller là où elles sont synthétisées. Donc voilà des manières de faire des puces à protéines qui sont organisées, puisque vos cDNA, vous savez, ils sont organisés. Vous en avez besoin de, disons, 50 000 pour décrire le transcriptome de l'homme. Donc vous mettez vos 50 000 cDNA sur des puces, vous synthétisez in vitro. Et théoriquement, si vous y prenez bien, avec un certain taux de succès, évidemment un certain taux d'échec, vous allez avoir une assez bonne quantité de protéines repérées sur votre puce, qui se colle directement. À partir de quoi vous pouvez explorer votre librairie d'anticorps et du coup isoler massivement beaucoup d'anticorps qui correspondent à des protéines déterminées. Voilà donc une des approches qui peut être suivie. Il y a une approche un peu plus réaliste, et modeste qui consiste à se dire bon, ça c'est trop compliqué, on va utiliser des anticorps qui sont multiréactifs. Et donc, les auteurs que j'ai cités auparavant sont branchés sur une approche dans laquelle ils identifient dans les protéines des motifs de 4, 5, 6 acides aminés et ils cherchent des anticorps qui sont multispécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître de 5 à 100 protéines. Alors évidemment, si vous faites ça, avec 200 anticorps et 50 cibles, vous pouvez cibler 10 000 protéines d'un coup. Ça n'est pas spécifique, mais vous récupérez la spécificité après en vous branchant sur la spectrométrie de masse comme système secondaire. Et puis, je pose la question, puisque je vous en ai parlé auparavant, les aptamères. Est-ce que les aptamères vont fournir une manière efficace de faire des puces? Pour l'instant, je n'en sais rien. Alors, vous avez plein d'autres problèmes que je vous cite rapidement parce que ce n'est pas un cours de technologie et d'ailleurs je ne serai pas compétent pour vous le donner. C'est plutôt, encore une fois, de voir où, à peu près où on va, quoi, où ça peut aller. Y a un vrai problème de savoir si on veut aller dans le micro ou dans le nano. Est-ce qu'on veut aller vraiment dans le tout, dans le bas de l'échelle des nanotechnologies ou est-ce qu'on reste plus modestement dans des systèmes intermédiaires. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il faut rester un peu dans le système intermédiaire, parce que les technologies pour faire du nano pur et dur, comme on le fait dans les acides nucléiques, les technologies ne sont pas encore vraiment au point pour faire ça. Donc l'idée générale, c'est de rester relativement modeste. Vous avez un autre problème encore, c'est de fabriquer les puces. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la technologie des puces a démarré avec les imprimantes à jet d'encre. Parce que quand vous imprimez donc la technologie des imprimantes, ben, vous avez des trucs qui projettent des points d'encre, si vous voulez, et c'est ça qui reconstitue les caractères. Et donc, c'est une dérivation de ces technologies des imprimantes à jet d'encre qui a donné pas mal de techniques d'impression des puces, c'est-à-dire de donner... De déposer avec une certaine rapidité, une bonne fiabilité, des tâches spécifiques, puisque les imprimantes à jet d'encre, ça fait ça avec des couleurs. Hein, donc il y a effectivement des choix de couleurs qui peuvent être faits. Il y a peut-être 4 couleurs dans les imprimantes à jet d'encre. Vous avez 4 nucléotides pour l'ADN, donc voilà, vous y êtes quelque part. Et donc c'est cette technologie qui a été initialement développée. Mais maintenant, on fait aussi d'autres choses. C'est que Une des idées, c'est de dire, bon, on sait mieux faire avec l'ADN, donc encore une fois, faut trouver des trucs astucieux, utiliser ce qu'on sait faire. Utiliser ce qu'on sait faire, c'est se fonder sur l'ADN. On est beaucoup plus fort comme ça. Donc, une idée, c'est on fait des anticorps et on les couple à des séquences qui servent de code-barre. On fait les puces avec les codes-barres correspondants, et ça, on les fait beaucoup plus facilement. Puis ensuite, on hybride le tout, et les anticorps, ils vont se mettre à l'endroit où il y a le bon code-barre. Voilà. Donc, vous faites donc, c'est un système hybride. Ce sont en fait des puces ADN sur lesquelles vous adressez des anticorps sur lesquels vous avez codé les codes-barres correspondant à ce que vous avez. Ce que ça vous donne, c'est que si vous avez fabriqué un anticorps avec un code-barre donné, vous savez où est le code-barre complémentaire sur la puce, et donc vous avez bien adressé l'anticorps à un endroit déterminable. Donc vous avez une topologie qui vous permet ensuite de travailler et de repérer où vous en êtes. Donc il y a une des manières de développer l'étiquetage des protéines. Ce qui a d'ailleurs d'autres applications possibles, mais en tout cas qui permet de fabriquer ces puces, encore une fois, avec des protéines étiquetées. Et puis, je vous ai parlé des systèmes d'auto-assemblage, c'est-à-dire en fait largement de faire de la synthèse in situ à partir des ADN complémentaires. Et donc, vous avez une autre manière, si vous synthétisez des anticorps cette fois-ci et pas des protéines du protéome, et bien vous avez une manière de faire vos puces anticorps. Alors, tout ça pour vous dire que ces technologies sont beaucoup moins simples et développées que les technologies liées aux acides nucléiques. Pardon. D'autant plus que il faut détecter après, hein, c'est pas le tout, il faut détecter. Alors détecter, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on verra quelques exemples par la suite, mais soit il vous faut des traceurs fluorescents, et donc ensuite des détections par fluorescent, qui sont les plus développées aujourd'hui, soit il vous faut d'autres techniques sans marquage, ou avec des marquages différents, et donc vous pouvez coupler à la spectrométrie de masse, mais vous avez d'autres techniques comme la résonance plasmonique de surface qui ne nécessite pas de marquage et qui repose sur la déviation de rayons lumineux là où il y a un complexe. Bon. Donc vous avez encore toute une série de problèmes liés au marquage sur lesquels je passe. Donc, ceci pour vous dire et pour conclure sur ce point que la protéomique à haut débit est en cours de développement. Elle est moins développée que n'est la transcriptomique ou la génomique à haut débit, comme on dit, mais elle se développe et c'est extrêmement important puisque, bien sûr, toutes les réponses ne peuvent pas être trouvées dans l'analyse des acides nucléiques. Alors, j'en profite pour vous rajouter ceci, que les protéines, c'est encore plus compliqué si l'on considère qu'il y a toutes sortes de modifications post-traductionnelles. Donc, une protéine, c'est évidemment un amas organisé d'acides aminés, ça, tout le monde sait ça. Le problème, c'est que bien souvent, il y a des additions qui sont faites après l'étape de traduction, et les additions, certaines sont subtiles, d'autres un peu moins. Mais vous avez notamment l'addition de résidus de carbohydrates et vous avez d'autres modifications, la palmitoylation, l'oxydation, vous avez l'éthiol, c'est sur les ponts disulfures, etc. Donc vous avez également un champ qui se développe, qui consiste à perfectionner cette protéomique pour être capable de détecter par derrière des modifications post-traductionnelles qui jouent un rôle dans la fonction des protéines. Voilà, donc on rentre peu à peu, dans une nouvelle catégorie de technologies qui sont complexes, difficiles, mais qui avancent énormément. Qui avancent enfin dans un autre domaine qui est lui aussi très, très étonnant, c'est que tout ça est en train d'être miniaturisé. Donc, le miniaturiser, ce n'est pas uniquement, encore une fois, arriver à mettre 50 000 anticorps sur une puce, c'est également miniaturiser un certain nombre de procédures, de chromatographie, etc. Et j'ai sorti cet article qui date de novembre dernier, qui montre des résultats assez étonnants. C'est la protéomique qui est effectuée à partir d'échantillons minuscules dans un système qui est un système de chromatographie qui est interfacé à la spectrométrie de masse. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces auteurs, qui travaillent chez la souris pour l'instant, prennent des glomérules rénaux isolés par laser, donc c'est découpé avec un laser, et ils font la protéomique avec leur système de microfluidique, etc., que je vais vous montrer rapidement. Et c'est une sorte d'échauffement, si j'ose dire. Ils détectent 2400 protéines, quand même. C'est pas rien. Bon. Évidemment, dans une cellule, on pense qu'il y en a probablement 20 000, 30 000. Donc, c'est peut-être 10% de la cellule. Mais enfin, c'est quand même pas mal de détecter d'un coup 2400 protéines. Ils vont maintenant dans les idos de Langerhans, il y en a 2000 à peu près par pancréas de la souris, ils en prennent un certain nombre, je ne sais pas exactement combien, ils détectent 7000 protéines. Donc comme ils sont assez contents d'avoir réussi ça, ils se posent la question, est-ce qu'on peut arriver à détecter quelque chose à partir d'un seul îlot de Langerhans, isolé par dissection laser, donc c'est une superbe acrobatie. Et la réponse, c'est que oui, ils arrivent à détecter 2000 protéines, et la pertinence de ça, c'est qu'ils incubent l'îlot de Langerhans avec un peu de glucose, etc., et ils détectent une modification dans le protéome. Ils voient 77 protéines surexprimées, 65 qui sont sous-exprimées, et donc ils aperçoivent effectivement la variation fonctionnelle associée à l'immersion au traitement au glucose dans un seul îlot de Langerhans, d'où leur conclusion fondée que ces techniques de microprotéomique sont, semble-t-il, applicables à quelques centaines de cellules aujourd'hui. Donc des micro-échantillons dont vous pouvez voir évidemment l'application potentielle, hein, potentielle à des années de maintenant, mais en termes de biopsie, par exemple, chez l'homme, etc. Alors, je vous montre en gros leur système. Capture par laser donc pour isoler les trucs, digestion à la trypsine, ça c'est pour les glomérules, ensuite pour les îlots de Langerhans. Et si vous voulez, c'est encore une fois de la microfluidique probablement très, très, très sophistiquée que je ne peux pas évaluer. D'où dérivent, si vous voulez, les spectres obtenus par spectrométrie de masse. Et une de leurs procédures consiste à tout dupliquer immédiatement, de façon à détecter, ne repérer que ce qui est immédiatement réplicable dans deux expériences. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à une définition du protéome interprétable, puisque quand je vous parle de 2000 protéines, c'est 2000 protéines identifiées. Hein. Et donc, quand les protéines sont identifiées, on peut les rentrer dans les catalogues organisés que l'on a maintenant. Ces catalogues organisés, ils sont organisés sur des fonctions. Et cette organisation, comme tous les catalogues, si vous voulez, il y a de l'arbitraire dans un catalogue. Et les protéines qui sont impliquées dans l'apoptose, elles sont impliquées dans l'apoptose, mais elles sont peut-être impliquées dans d'autres choses. En tout cas, il y a des découpages qui sont possibles. Et donc, voici ce que ça donne avec le découpage en catégories. Vous trouvez les protéines du cytosquelette, vous trouvez les granules sécrétoires, vous trouvez les facteurs de transcription, etc., etc. Et juste pour vous montrer ce schéma, c'est qu'après 24 heures de stimulation au glucose, à partir d'un seul îlot de Langerhans, comme je vous l'ai dit, eh bien, les modifications qu'ils obtiennent sont effectivement interprétables dans le schéma fonctionnel que l'on prête au système interne du catabolisme du glucose dans les îlots de Langerhans. Donc, bon résultat, selon moi. Vous avez encore autre chose, c'est que les protéines, elles s'agrègent, elles forment des réseaux. Et donc, une autre question, c'est de savoir est-ce qu'on peut analyser ces réseaux de protéines. Parce qu'elles s'agrègent un moment, elles se phosphorylent, elles se désphosphorylent, le truc, et le, voilà. Et donc, c'est encore un autre enjeu supplémentaire que d'être capable non seulement d'identifier les protéines, mais également de voir comment elles s'agrègent. Alors, comme vous le voyez, on progresse dans des complexités de plus en plus difficiles à traiter. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus. De toute façon, je vous le mentionne, toutes ces transparences se trouvent sur Internet dès le lendemain, je crois, dès le soir même. Donc, bravo le Collège de France, parce que... Et donc, si je passe sur certaines indications, vous pouvez, si vous le souhaitez, les retrouver, retrouver les références, bien entendu. Donc, si vous voulez, pour un tas de raisons, et notamment pour faire ces techniques, ces purifications, on a besoin d'être capable d'isoler rapidement, le plus rapidement possible, des protéines. Et alors maintenant, il y a toutes sortes il y a un certain nombre d'équipes qui s'attachent à trouver des techniques automatisables, puisque tout l'enjeu de cela, ce n'est pas seulement de trouver une bonne astuce pour une protéine, si j'ose dire, c'est de trouver quelque chose qui permet l'automatisation de façon à passer effectivement au haut débit. Alors voilà une astuce dont je ne sais pas trop si elle sera généralisable. Il y a une toxine du choléra qui a la propriété de s'activer en présence d'un dérivé de l'isinzitol, et à ce moment-là, elle se coupe la queue, si j'ose dire. Et donc, quand vous fabriquez un recombinant avec une protéine quelconque, la toxine du choléra, vous pouvez purifier en vous servant de la toxine du choléra. Ensuite, vous ajoutez ce dérivé de l'inositol, ça se coupe et vous obtenez votre protéine directement. Bon. Voilà le genre de choses qui sont en cours de gestation. Mais ça ne dit pas tout. Et vous avez un autre enjeu qui est très important, c'est d'arriver à produire les complexes et à repérer les complexes. Et là, vous tombez sur un autre problème qui peut paraître étrange, mais qui vient du fait que les agrégats de protéines qui sont pertinents in vivo sont souvent, et je vous avais montré ce qui se passe par exemple au niveau du développement dans les systèmes qui remodèlent la chromatine, etc., c'est souvent des agrégats très compliqués. Il y a une dizaine de constituants, il peut y avoir pas mal de monde là-dedans. Et donc, pour identifier ces complexes, ce n'est pas si simple. Et voilà une technique faite par des collègues de Grenoble, je crois d'ailleurs, qui est destinée à permettre d'automatiser un système de production de complexes. Je vous montre juste le système parce que c'est assez intéressant. C'est un système qui permet de produire in vitro toutes les combinaisons possibles d'expression sur des plasmides. Et donc, le système est astucieux, c'est de la recombinaison Crelox, il y a beaucoup de choses. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est qu'ensuite, vous avez vous mettez tout ça, le mélange de tous les plasmides recombinants qui donnent toutes les possibilités d'expression faites au hasard. Vous mettez ça dans une population de bactéries et puis vous regardez où ça produit, quoi. Et donc, ces problèmes sont également en cours de développement. Pour analyser les interactions, vous avez plusieurs types de méthodes, mais la méthode la plus connue, développée il y a une quinzaine d'années, je pense, c'est la méthode dite des deux hybrides. C'est une méthode très astucieuse qui fait que lorsque vous introduisez dans une levure qui a été manipulée, bricolée de façon astucieuse, lorsque vous introduisez quelque chose qui va coller une protéine cible, vous avez un signal détectable, par exemple la levure bien fluorescente. Bon. Donc c'est de l'ingénierie astucieuse, encore une fois. Et le problème, c'est que les protéines des mammifères ne reçoivent pas chez la levure toutes les modifications post-traductionnelles qui interviennent dans leur fonctionnalité, d'où l'importance de développer un système deux hybrides du même type dans des cellules de mammifères, ce qui est en train de se faire, ce qui est plus difficile, bien entendu, et ce qui est en train de se faire. Donc, on arrive à analyser des interactions. Ça peut se faire in vitro par spectrométrie de masse. Il y a des techniques de microfluidique. Et dans cet article, qui date d'il y a un an, encore une fois, dans un dispositif microfluidique, le jeu, si je peux dire, le jeu scientifique a été de mesurer environ 15 000 interactions. Donc, pour faire ça, il faut évidemment disposer de systèmes un minimum automatisés qui conduit à décrire le réseau de 43 protéines du staphylocoque qui interagissent entre elles comme ceci. Je termine cette partie et ensuite je vous parlerai des techniques qui sont plus spécifiques de l'immunologie en vous parlant du métabolome. Alors, le métabolome, encore un terme barbare, mais qui reflète une réalité, le métabolome, c'est donc l'ensemble des métabolites. Alors, le métabolisme et les métabolites, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel dans les organismes vivants, dont il faut reconnaître que ça a été un petit peu oublié par les biologistes moléculaires dont je fais partie, qui sont intéressés beaucoup aux macromolécules et qui, du coup, ont un petit peu oublié qu'il y en avait des petites. Peu importe, le métabolome est revenu en force dans beaucoup de secteurs, y compris en immunologie. On sait par exemple en immunologie le rôle important du tryptophane dans un certain nombre de mécanismes immunologiques, mais voici maintenant l'étude du métabolome et un résultat qui est encore une fois extrêmement récent, il date de mars, vous voyez, extrêmement récent, donc qui n'est pas. Je ne sais pas s'il est général ou reproduit pour l'instant. Mais le métabolome, c'est les métabolites, et l'instrument d'analyse favori et le plus efficace, c'est la spectrométrie de masse, qui est parfaitement adaptée à l'étude des métabolites par la mesure de la masse. Donc, vous pouvez prendre des échantillons et analyser les métabolites. Donc, vous enlevez les grosses protéines, hein, vous enlevez les macromolécules, vous gardez que les petites, et puis vous analysez par spectrométrie de masse. Alors, moi, j'ai trouvé ce papier très, très interpellant parce qu'ils utilisent des échantillons de salive. La salive, c'est un peu, si j'ose dire, le reflet du sang, dans une petite mesure. C'est un peu le reflet du sang. Ce n'est pas complètement étranger à une partie de sang filtré, si vous voulez. Bon. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre 215 sujets, dont une moitié à peu près atteints de trois types de cancers. Et puis, ils ont récolté des échantillons de salive et puis ils ont fait leurs analyses. Résultat, c'est qu'ils détectent plusieurs milliers de métabolites par spectrométrie de masse, encore une fois. Là-dessus, ils en repèrent 57 qui varient, et de façon très surprenante pour moi, ils en déduisent des profils de métabolites qui sont associés à l'état du patient, c'est-à-dire à l'état du cancer. J'étais très surpris par ce résultat, mais je vous le montre. Donc voilà un certain nombre d'études d'électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse pour arriver à la déterminaison des métabolites en question. Et donc il y en a 57 qui ont été extraits de leur base d'expérience. Et voilà l'organisation de ces... De ces métabolites avec les contrôles qui sont ici et les patients atteints de cancer, vous voyez qu'il y a des profils. Il y a des profils qui ne sont pas univoques et ça ressemble exactement à une puce de transcriptomique, incidemment. Hein. Pourquoi ? Parce que les codes, évidemment, colorés sont les mêmes. Vous avez effectivement des profils qui sont assez significativement différents entre les différents types de cancers et les témoins. Résultat encore une fois assez intéressant ou interpellant qui laisserait suggérer qu'il y a peut-être là encore un potentiel de diagnostic nouveau que personnellement je n'avais pas imaginé dans l'étude de la sophistiquée de la salive. Alors j'avais prévu de vous parler un petit peu ensuite d'imagerie. Mais je vais concentrer toute la discussion sur l'imagerie dans la prochaine séance. Et dans la prochaine séance, j'ai invité pour la deuxième heure Philippe Bousseau, qui est un grand spécialiste de l'imagerie, pour compléter ce que je vais vous dire sur l'imagerie. Donc, je ne parle pas du tout d'imagerie aujourd'hui, et ce sera l'objet complet de la prochaine séance. Et donc maintenant, je vais terminer cette heure en vous parlant d'un certain nombre de techniques qui sont plus spécifiquement propres à l'immunologie. Et d'abord, il faut vraiment que je vous reparle des souris, parce que l'immunologie sans souris, c'est quand même bien, bien difficile. Ou pour dire les choses autrement, une grande partie de l'immunologie s'est construite, une très grande partie de l'immunologie s'est construite grâce à la souris. Et je l'ai évoqué dans mon introduction la dernière fois, mais j'y reviens parce que c'est vraiment très important. Alors d'abord, on parle beaucoup d'organismes modèles. Alors pour les immunologistes, et en biologie en général d'ailleurs, mais pour les immunologistes, ça a été la souris, le rat dans une certaine mesure, le lapin, le cobaye, le furet. Alors le furet, c'est un animal bizarre, mais il est très utilisé pour tester le vaccin contre la grippe pour des raisons particulières. Le macaque, le chimpanzé, etc. Mais vous avez également d'autres organismes qu'on qualifie de modèles, le poulet, le poisson zèbre, la lamproie et d'autres. Alors, je voudrais commencer par poser la question, modèle de quoi ? Parce que la notion de modèle est comment dire, très discutable, plus exactement, doit être discutée avec précision. Qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle de quoi et qui sert à quoi ? Il se trouve qu'en matière d'immunologie, la souris est malheureusement assez peu prédictive de ce qui se passe chez l'homme. Et donc ça pose énormément de problèmes pratiques d'ailleurs, parce que, on pourra peut-être y revenir à la fin, ça pose énormément de problèmes pratiques parce que, y compris au niveau des autorités réglementaires, on demande d'apporter la preuve d'une efficacité d'un médicament ou d'un vaccin, on demande généralement d'apporter la preuve d'efficacité d'un médicament ou d'un vaccin chez la souris avant d'aller chez l'homme, alors que la souris est assez peu prédictive. Donc il y a un problème. Mais en tout cas, ce qui est évidemment plus que juste, c'est que la souris et ses organismes modèles ont été et sont toujours absolument essentiels pour produire des connaissances qui permettent d'aller interroger très spécifiquement tel ou tel modèle chez l'homme, en sachant que souvent on va trouver quelque chose d'un peu différent ou très différent. Mais ça cadre énormément les recherches que l'on peut faire chez l'homme. Et ça dans des domaines qui couvrent à peu près toute l'immunologie, mais qui couvrent aussi d'ailleurs beaucoup de points de biologie générale. Donc ces modèles sont-ils prédictifs chez l'homme ? Ben, si vous voulez, oui, pour étudier la recombinaison des anticorps, oui, ça a permis de guider très très efficacement les recherches chez l'homme, et donc ça a permis de déchiffrer par continuité très très efficacement les mécanismes de recombinaison des gènes des anticorps chez l'homme et des récepteurs T chez l'homme. Mais enfin, encore une fois, en matière de médicaments et de vaccins, c'est un peu plus compliqué. Alors, bien entendu, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le potentiel génétique de la souris, c'est considérable, et notamment à cause des lignées consanguines de souris, qui ont donc une pureté génétique, et à cause des capacités de transgénèse, avec ces techniques maintenant familières de knock-out, donc de délétion d'un gène, de knock-in, c'est-à-dire d'introduction d'un gène dans des endroits spécifiques, avec une nouvelle technologie qui s'est installée depuis quelques années, qui est liée à la découverte de ce qu'on appelle les ARN interférents ou les petits ARN interférents, découverte qui date effectivement d'une grosse dizaine d'années et qui a donné naissance à une grande floraison d'outils dont je vais parler. Je répète ce que j'ai dit en introduction, des milliers de souris avec des problèmes d'élevage, de stockage, d'échange, de purification des souris, etc., qui sont très importants, et toutes sortes de souris qui sont mutantes, Kaokai, qui sont faites avec de nouveaux systèmes, y compris maintenant ce qu'on appelle les méganucléases. Et ça permet de concevoir des expériences qui sont fondées sur des hypothèses critiques. Donc, si vous voulez, si je me pose la question, est-ce que telle enzyme est importante dans la génération de la diversité des anticorps, ce qui est une vieille question, Eh bien, je prends ma souris, j'identifie le gène en question, je fais un knockout, si c'est ça le plan expérimental. Donc, j'inactive le gène par délétion, je pose ma question et je vois si la souris est déficiente ou non dans la production d'anticorps. Et de plus, comme je vous l'ai indiqué aussi, si maintenant par knock-in, j'introduis un marqueur de fluorescence dans un gène spécifique de la souris dont je veux interroger l'expression dans telle ou telle condition, eh bien, je peux le faire et cela permet de faire l'imagerie. Alors, pour, je ne dis pas la plaisanterie, mais vous trouvez ça sur Google et on verra des images beaucoup plus importantes après. Voilà des souris vertes et des souris rouges qui ont été obtenues par fluorescent. Et voilà des souris, vous voyez, donc certaines ont la queue verte et les oreilles vertes et le reste n'est pas vert, et etc., etc. Donc, ces techniques de fluorescence sont effectivement aujourd'hui très développées et la semaine prochaine, vous en verrez de nouveaux exemples. Maintenant, si je vous dis tout ça en vous rappelant les fondamentaux, si j'ose dire, c'est pour en arriver aux limites de ces questions de transgénèse. Ces limites sont de différentes natures. Certaines sont pratiques et d'autres sont théoriques. Les limites pratiques, c'est que faire une souris transgénique, ce n'est pas rapide. Bon. Donc, il faut des mois de travail. Et puis ensuite, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Mais enfin, bon, ce n'est pas très rapide. Ça coûte. Il faut des infrastructures d'animalerie qui sont importantes. Et donc, il y a des limites pratiques. Maintenant, vous avez des limites théoriques qui sont plus importantes. Vous savez que beaucoup de gènes ont plusieurs fonctions. Et donc, quand vous faites un knockout d'un gène, donc vous inactivez un gène, pardon, vous n'êtes pas absolument sûr que vous allez observer quelque chose de pertinent par rapport à la question que vous posez. Parce que quand vous posez votre question, vous faites généralement l'hypothèse que le gène a la fonction donnée, mais qu'il n'en a pas d'autre. Bon, s'il en a une autre, évidemment, ça perturbe votre interprétation, et souvent, il en a une autre. Incidemment, la manière la plus brutale d'être gêné par cet aspect des choses, c'est que vous apercevez que le gène en question est important au cours du développement, et du coup, vous n'avez pas de souris du tout. Donc, elle meurt avant de naître, et donc, vous n'avez pas de souris. Vous êtes ramené à la case départ. Bon. Donc, en tout cas, sur le plan théorique, juste de la conception expérimentale, les gènes à fonction plurielle posent évidemment problème, et ça arrive souvent. Alors, vous avez le problème inverse, c'est la redondance fonctionnelle. C'est-à-dire que, bien entendu, dans les organismes vivants, comme on pouvait s'en douter, beaucoup de circuits essentiels au développement et à la survie sont câblés plusieurs fois et de manière différente. Donc, dans une certaine mesure, vous pouvez dire que déjà la diploïdie, c'est-à-dire le fait d'avoir deux chromosomes en général par cellule, sauf pour le X et le Y bien sûr, d'avoir deux chromosomes par cellule est une manière d'assurer une certaine redondance. Et de l'autre, il est clair que de temps en temps, vous inactivez un gène que vous pensiez être essentiel, vous ne trouvez rien du tout. Il n'y a pas de différence de phénotype. Et en fait, il n'y a pas de différence de phénotype. Ce n'est pas que le gène n'est pas important, c'est qu'il est tellement important qu'il y en a un autre qui fait le même boulot. Donc, vous avez un problème d'interprétation de ce côté-là. Et vous avez un problème qui est plus pernicieux et qui est important, c'est que vous inactivez un gène, et puis il joue un rôle important, oui, mais au cours de son développement, l'animal se débrouille pour faire avec. Donc, les circuits se dérégulent et se rééquilibrent autrement. Et du coup, vous avez un animal qui a l'air normal. Et en fait, il faut un travail particulier pour arriver à déterminer comment le système s'est rééquilibré. Donc ça, on le voit notamment dans un certain nombre on l'a vu dans beaucoup de modèles. Par exemple, on fait une délétion d'un gène qui code pour l'interleukine 2 ou je ne sais pas quoi. Souvent, la souris fonctionne, mais quand même, en réalité, le système s'est équilibré autrement. Donc, ce n'est pas si simple d'avoir les souris. Du coup, la souris a ses limites. Puis alors, vous êtes l'autre limite de la souris, bien sûr, je l'ai déjà dit, c'est qu'une souris, ce n'est pas un homme, et que dans bien des cas, on aimerait quand même avoir des réponses sur l'homme. Donc là, vous avez une lignée de recherche qui est importante, que j'évoque tout simplement, parce que là, c'est très, enfin, c'est immunologiquement difficile et profond, c'est d'humaniser les souris. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, vous prenez des souris que vous nettoyez en quelque sorte de leur propre système immunitaire pour essayer de le remplacer par de l'humain. Alors, vous pouvez faire ça avec des greffes, en greffant des organes, de la moelle, en injectant des cellules, etc. etc. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour ce type d'opération, mais il y a des difficultés qui sont tout à fait importantes. D'abord, avoir des souris qui sont dépourvues de système immunitaire, ça, c'est pas trop difficile. Il y a des mutants plus ou moins compliqués. Vous en avez un qui est là, le Notsky, etc. Vous avez des mutants plus ou moins compliqués qui sont non seulement dépourvus de système immunitaire, mais capables d'accepter des greffes extérieures, ce qui peut supposer notamment, dans un certain nombre de cas, que les cellules natural killer soient éliminées, pas seulement les cellules T, etc. Bon, encore une fois, c'est l'immunologie profonde, et je n'y reviens pas. Mais je pense que juste pour vous donner l'état de ce domaine des souris humanisées, où les enjeux sont encore une fois très importants, parce qu'on est dépourvu de beaucoup de modèles pour travailler sur l'homme, pour prendre l'un des problèmes les plus importants, vous savez qu'en fait, on a vraiment très très peu de modèles pour travailler sur le sida. En réalité, le chimpanzé n'est pas vraiment un modèle, le macaque n'est pas vraiment un modèle, et la souris n'est sûrement pas un modèle. Donc, pour travailler sur le sida, l'un des problèmes du vaccin contre le sida, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Sinon, je pense qu'on aurait progressé beaucoup plus vite, enfin j'espère, dans la découverte d'un vaccin. J'en sais rien, mais je l'espère. En tout cas, donc, je pense que ce champ, qui encore une fois est un champ important, va dans la direction suivante. Je pense qu'il est... Il n'est pas réaliste de penser qu'il y aura un seul modèle de souris humanisée. Je pense qu'il est beaucoup plus réaliste de se dire qu'on arrivera sans doute, et on arrive déjà, à voir des modèles qui reproduisent des petits bouts du système immunitaire humain avec lesquels on peut poser des questions spécifiques. Mais l'idée d'avoir une souris qui sera un modèle pour l'homme est je pense, peu réaliste aujourd'hui. Donc, à titre d'exemple, et je l'ai déjà cité, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des BAC, là, des chromosomes artificiels bactériens qui portent des grands bouts de chromosomes humains, balancer ça chez la souris, vous faites des souris transgéniques, vous pouvez repérer des souris qui ont le locus, une partie du locus des immunoglobulines, qui vont réarranger à peu près correctement et vous faire des anticorps humains chez la souris. Ça, on sait faire. Mais avoir une souris qui reproduit en gros le répertoire T et le répertoire B qu'il y a chez l'homme, ça on ne sait pas vraiment faire aujourd'hui. On sait obtenir des bouts de répertoire et de toute façon, un bonhomme c'est quand même l'équivalent d'à peu près 3000 souris en volume, donc il y a de toute façon un problème de base par rapport à la taille et à la diversité. Mais je vous cite ces souris humanisées comme étant évidemment l'un des objectifs importants qui cherche à se développer. Alors, je vous mentionne que cette génétique de la souris permet aussi de faire des cellules mutantes. Évidemment, chaque fois que vous avez une souris mutante, vous avez des tas de cellules qui ont la mutation. Bon. Donc, des cellules spécialisées. Donc, vous pouvez sortir les cellules T, les cellules NK, les cellules, etc. Et vous pouvez les macrophages, les monocytes, enfin tout ce que vous voulez. Et vous avez des mutants. Et donc, vous avez des instruments extrêmement précieux pour analyser, pour faire de la biologie cellulaire. C'est tout à fait important dans le développement de l'immunologie et de la biologie en général. Maintenant, je reviens sur ce qui s'appelle l'interférence ARN pour vous rappeler que la découverte des petits ARN régulateurs a donné plusieurs sources très très importante de recherche. D'abord, certains de ces petits ARN gouvernent l'expression d'un certain sous-ensemble de gènes, donc ce sont des éléments de régulation extrêmement importants. Mais deuxièmement, parce que certains de ces petits ARN sont inhibiteurs, Et lorsque vous les administrez à une cellule, quand ils sont complémentaires, je fais simple, hein, parce que c'est un champ qui encore demanderait une heure d'exposé, mais quand vous les administrez à une cellule et qu'ils y pénètrent, s'ils sont complémentaires, disons, d'un ARN messager ou relativement complémentaires d'un ARN messager, ils déclenchent sa dégradation. Et donc, vous avez un instrument qui vous permet de faire une sorte de délétion fonctionnelle d'un gène. Délétion fonctionnelle, c'est-à-dire que vous dégradez son ARN messager. Alors évidemment, il faut bien vous mettre en situation, si vous opérez de cette façon-là, les protéines déjà produites, elles sont encore là. Donc il faut qu'elles s'évanouissent dans le temps. Mais lorsqu'elles s'évanouissent dans le temps, vous avez une cellule qui est effectivement déficiente pour une protéine déterminée. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc en gros, si vous voulez, les déficits fonctionnels qui sont obtenus sont souvent partiels, en partie pour la raison que je vous ai indiquée, et en partie parce que ce processus de dégradation de l'ARN messager n'est pas toujours efficace à 100%. Mais ça peut être un avantage, parce que quand vous touchez une fonction essentielle, vous allez observer une diminution de viabilité ou quelque chose, mais quelque chose d'observable plutôt que rien du tout. Donc vous êtes plutôt mieux dans certaines situations avec ce phénotype partiel. Alors, il y a énormément de travaux sur l'emploi de ces ARN interférents. Encore une fois, ils ont beaucoup de mérite, ça va vite, hein. Et en plus, vous pouvez aujourd'hui opérer. Vous pouvez aujourd'hui opérer avec des librairies, là encore, d'ARN interférents que vous achetez dans le commerce. Et puis vous en mettez quelques centaines ou quelques milliers. Vous regardez si ça fait de l'effet. Ensuite, vous découpez en petits pots et puis vous voyez, vous finissez par identifier quel ARN interférent fait de l'effet ou non. Donc, je vous mentionne que cette technique de l'ARN interférent est tout à fait important et se développe énormément. Alors, j'en viens maintenant à une technique qui est vraiment très spécifique de l'immunologie et qui est ce qu'on appelle la cytométrie de flux. Là encore, je vais vous en donner les principes rapidement. Pour vous indiquer, là encore, dans quelle direction s'oriente ce champ. Alors, la cytométrie de flux, elle est née en 1969. Et ce sont les Herzenberg qui l'ont développée à Stanford, si ma mémoire est bonne. Et en 1982, les mêmes Herzenberg ont inventé une cytométrie de flux à deux lasers qui permettait d'identifier plusieurs sous-populations, et je vais vous montrer comment ça marche. Et puis ça s'est énormément développé avec des systèmes à 5 couleurs en 1995, puis 13 en 2001, puis 18 en 2006, et je vais vous montrer ce que ça veut dire. Mais d'abord, le principe, pris encore dans ce manuel de Janeway, le principe, c'est que vous avez un mélange de cellules. Bon, vous prenez un anticorps, ça peut être un autre marqueur, mais vous prenez un anticorps qui est spécifique d'une protéine de surface. Donc ça va vous identifier un certain type cellulaire. Donc si vous prenez une cellule T, vous savez qu'il y a deux types de cellules T, les CD4+, et les CD8+, ben vous dites, je vais voir les CD4+, vous prenez un anticorps anti-CD4, vous les collez à un marqueur fluorescent, et puis vous utilisez ça pour marquer les cellules CD4 dans votre mélange. Quand vous avez fait ça, vous utilisez un instrument qui va faire défiler les cellules uniques dans un flux unique, dans un tout petit capillaire, si vous voulez, de telle sorte que vous ayez des systèmes de détection qui vont compter, en gros, le nombre de cellules fluorescentes. Alors, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. D'abord parce que vous pouvez non seulement compter ce qui est fluorescent, mais en fait, vous pouvez regarder par d'autres capteurs la forme des cellules, leur taille, donc vous pouvez mesurer un certain nombre de paramètres physiques des cellules, en plus des marqueurs spécifiques que vous utilisez. Et puis surtout, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, et on va en arriver à ce que ça veut dire. En tout cas, voilà des données qui sortent de ce genre d'instrument, c'est encore dans notre manuel. Mais si vous voulez, en deux dimensions, chaque point compte un événement. Hein. Et donc, ces instruments, aujourd'hui, dans leur forme moderne, je pense qu'ils défilent à peu près, ils arrivent à défiler, je pense que c'est 20 000 cellules par seconde, à peu près, au mieux. Je crois que c'est à peu près le plafond aujourd'hui. Donc, ça défile quand même très vite. Ça veut dire qu'en une minute, vous comptez un très grand nombre d'événements. Et donc, ces événements, ensuite, se répartissent dans un plan selon les marqueurs que vous avez. Et bien sûr, si c'est très fluorescent, alors vous avez un signal qui va vous donner un point plutôt à droite, et puis etc. Donc si vous avez deux marqueurs maintenant et les systèmes de détection appropriés, ben, vous développez les données dans un plan, comme c'est indiqué ici, et vous pouvez voir que, ici par exemple, la densité est marquée par la couleur, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui ajoute la couleur, hein, ce n'est pas les cellules, c'est juste une représentation, une modélisation. Et l'ordinateur ajoute des couleurs. Vous voyez que là, la densité de cellules est beaucoup plus forte, donc la majorité de vos cellules a telle ou telle caractéristique. Et là, en fait, vous séparez, ici, dans cet exemple, les IgM des IgD, hein, parce que vous avez pris deux anticorps différents. Alors, vous voyez bien qu'à partir de ces nuages de points, vous avez tout un traitement de l'information qui peut être fait avec une certaine modélisation, encore une fois, pour mieux voir, tout simplement. Vous avez des traitements qui peuvent être faits en probabilité. Enfin, vous avez beaucoup de traitements de l'information à faire, et d'autant plus de traitements que l'information devient plus complexe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en gros, on utilise deux lasers typiques, l'un est dans le bleu, l'autre dans le rouge, qui émettent à des longueurs d'onde différentes, qui permettent d'exciter un large éventail de fluorochromes. Depuis un certain temps, les lasers verts ont fait leur apparition et ça permet de multiplier les couleurs, comme vous allez le voir. Je vous mentionne également qu'il existe maintenant des lasers qui ne sont pas chers. Donc, il y a des lasers à $150. Et du coup, ça permet de développer des instruments qui permettent de faire du travail de terrain. C'est-à-dire, vous allez en Afrique et vous avez votre cell sorter portable qui vous permet de mesurer les CD4 et les CD8 chez les patients qui atteignent du sida, par exemple. Donc, ces instruments se développent et se banalisent, mais en même temps, ils se perfectionnent. Et les versions sophistiquées et perfectionnées sont évidemment tout à fait non transportables et même très, très difficiles d'utilisation. Là encore, c'est en cours de développement, d'automatisation dans tous les sens, si vous voulez, avec, par exemple, l'analyse et le tri automatisé de grandes séries d'échantillons. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez utiliser le même instrument avec un système qui dévie la trajectoire de la goutte qui contient la cellule lorsqu'il y a un signal de fluorescence. Et à ce moment-là, vous avez un système de purification puisque vous recueillez les cellules qui donnent ce signal dans un petit pot à côté du pot qui contient le flux majeur des cellules, en gros. Bon. Donc, analyse et tri automatisée de séries d'échantillons. Importance pour la clinique, bien entendu. Encore une fois, maintenant, on fait beaucoup d'analyses de sang et on reviendra là-dessus, puisque c'est l'autre versant de l'analyse du sang. L'un des versants, c'est l'analyse du plasma, les protéines qu'il y a dans le sang, et l'autre versant, c'est l'analyse des cellules qu'il y a dans le sang. Et là, le cell sorter, enfin le trieur de cellules ou l'analyseur de cellules est un instrument totalement essentiel. Et je vous mentionne une autre application possible, c'est que, dont on verra un exemple, c'est que ça peut servir également à trier et analyser des molécules qui ont un effet pharmaceutique. Et donc, c'est un instrument de recherche pour la pharmacie également. Alors, je vous parle rapidement des molécules fluorescentes, dont beaucoup sont des fluorochromes habituels qui sont utilisés depuis un certain nombre d'années. Mais on introduit, on en reparlera la prochaine fois maintenant, ce qu'on appelle les quantum dots, qui sont des nanocristaux semi-conducteurs, qui ont des spectres d'excitation larges, de telle sorte qu'un seul laser peut suffire et ça élargit le champ des possibles. Et de la même manière, je vous parlerai la prochaine fois de ce que l'on peut faire avec les protéines fluorescentes, qui est un champ en plein développement. En tout cas, dans cet article de revue qui date d'un an, voilà les couleurs utilisables, si vous voulez, qui se développent le long du spectre. Et donc, vous avez un certain nombre de marqueurs qui sont indiqués ici, qui sont utilisés en fluorométrie, en cytométrie de flux, pardonnez-moi, et qui donnent, comme vous le voulez, voyez, des couleurs un peu différentes. Bon. Le résultat de cela, c'est quoi? C'est que, en principe, et là, c'est ça qui est vraiment très important, en principe, avec les instruments qui existent aujourd'hui, on peut opérer avec 18 couleurs. Et 18 couleurs, ça vous permet théoriquement d'identifier en une expérience 262 144 sous-populations. Ce qui effectivement vous donne un niveau d'analyse potentiel des populations cellulaires qui est assez remarquable. Il n'est pas évident d'ailleurs que dans n'importe quel échantillon habituel, il y ait tant de populations cellulaires. Mais la capacité d'analyse, si vous voulez, est là. À vrai dire, je crois que l'homme le plus expert que j'ai rencontré jusqu'à présent n'a utilisé que 17 couleurs. Et je ne suis pas sûr que les 18 aient vraiment été utilisés en routine, en tout cas. En tout cas, avec ce type d'instrument, vous voyez bien les enjeux. Vous avez ensuite, derrière, toutes sortes de problèmes techniques et théoriques, d'interprétation notamment. Puisque vous comptez les événements un à un, si vous arrivez à un grand nombre de sous-populations, il vous faut suffisamment d'éléments dans chacune des sous-populations, sinon ça n'est pas statistiquement significatif, etc., etc. Vous avez des problèmes de visualisation, vous avez des données, tellement de données, comment est-ce que vous savez plus très bien comment les regarder. Donc il faut bâtir des systèmes qui permettent de visualiser et qui permettent à l'esprit humain de travailler face à ces données, etc. Et vous avez des problèmes, encore une fois, de pouvoir comparer les échantillons obtenus dans différents laboratoires, qui est encore une fois, comme je l'ai dit et je le répète et je le répéterai encore, un des problèmes de la biologie contemporaine, c'est-à-dire de produire des données qui soient exploitables aux quatre coins du monde et reproductibles aux quatre coins du monde. Donc quand vous avez le même instrument, ça va à peu près. Encore, il vous faut les mêmes procédures, ce qui n'est pas absolument évident. Si vous avez des instruments, enfin bon, vous voyez qu'il y a des problèmes. Et sinon, une partie de l'information de recherche est essentiellement perdue pour les exploitations ultérieures. Bref. Donc les fax, ces instruments sont extrêmement importants en immunologie et ont permis un développement considérable de l'immunologie cellulaire. Je vous mentionne qu'il y a maintenant des réactifs spécifiques de cellules immunologiques qui sont de catégorie importante. Bien entendu, vous pouvez utiliser des anticorps pour détecter d'autres anticorps. Donc vous pouvez faire des anti-anticorps spécifiques qui sont des réactifs très importants pour analyser les cellules B. On a essayé de faire ça avec des anticorps capables de repérer spécifiquement les récepteurs des cellules T. Il s'avère que c'est vraiment difficile. Il y en a un certain nombre, mais c'est assez difficile. Et puis, il y a une technologie qui permet maintenant de détecter les récepteurs des cellules T avec des tétramères, donc des polymères, si vous voulez, tétramères ou pentamères, de molécules de complexes majeurs d'histocompatibilité chargées avec des peptides. Vous savez que les antigènes d'histocompatibilité exposent à la surface des peptides spécifiques. Et donc, si vous arrivez à isoler ou à fabriquer un antigène d'histocompatibilité, à le charger avec un peptide, il va reconnaître une cellule T. Le problème, c'est qu'il la reconnaît avec une affinité qui est misérable. Donc, ce n'est pas utilisable. Mais si vous faites un polymère, évidemment, vous multipliez les affinités, vous augmentez l'avidité, si vous voulez, et à ce moment-là, vous obtenez quelque chose qui est détectable, qui peut fonctionner pour détecter des cellules T spécifiques. Et cela vous donne, en cytométrie de flux, avec des instruments et des méthodes assez sophistiquées, vous voyez qu'avec ce genre d'instrument, vous arrivez à détecter moins de 1% et presque 1 pour 1000 des cellules données dans un mélange complexe. Donc, ça vous fournit des instruments capables de détecter, par exemple, des cellules qui répondent au virus Epstein-Barr dans une prise de sang. Donc, ce sont des systèmes qui sont spécifiques de systèmes immunologiques. Maintenant, je voudrais vous citer un développement de la cytométrie de flux qui est un peu particulier, qui est de l'appliquer non pas à des cellules, mais à des billes. Et l'idée est assez simple, c'est que vous faites des billes qui sont marquées elles-mêmes. Elles sont marquées, par exemple, par un mélange de deux couleurs différentes ou plusieurs couleurs différentes. Et donc, quand elles vont passer dans le système, dans le même système qui trie les cellules ou qui détecte les cellules, elles vont être détectées de la même manière. Si à la surface de ces billes, vous installez un système de détection avec un anticorps spécifique qui va reconnaître, par exemple, l'interleukine 17, que vous révélez par un deuxième anticorps couplé à un système fluorescent, vous avez un système qui vous permet de détecter la bille qui va porter l'anticorps anti-IL-17 et quelque chose qui va mesurer la quantité d'IL-17 à la surface. Donc si maintenant vous répétez ça avec l'interleukine 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc., avec des billes qui sont marquées différemment, vous avez un système qui permet de multiplexer, comme on dit dans le jargon, et qui permet donc de mesurer toutes les interleukines en même temps. Alors voilà, ce système est en gros en routine. Son développement actuel permet, paraît-il, de détecter dans les dernières versions 500 analytes simultanément par une technique qui est donc apparentée à la dérivée de la cytométrie de flux. Enfin, et je vais conclure bientôt sur cet aspect des choses, vous avez toutes sortes de progrès, enfin d'évolutions qui se font, encore une fois, c'est une tendance lourde, hein, bien évidemment, dans le sens de la miniaturisation et donc en particulier de la microfluidique. Alors, la miniaturisation, vous permet de faire un certain nombre de choses, notamment des dosages extraordinairement sensibles sur des points équipés de systèmes de détection électrique, de micro-courants électriques. Alors, ça a beaucoup d'applications. Je vous en cite une, qui est la suivante. Vous savez que nous avons en nous, et en réponse à un certain nombre d'agents infectieux, des cellules T qui sont cytolytiques. Sont des cellules tueuses. Vous avez les deux catégories de cellules tueuses, les cellules dites NK et les CTL, qui ont un récepteur des cellules T, qui est spécifique. Et celles-là, elles repèrent les cellules qui sont infectées par un virus, par exemple. Elles repèrent le peptide qui est à la surface. Et comme elles ont le récepteur T congru, elles se collent à la cellule et elles la tuent. Bon. Donc c'est une manière très importante de détruire les cellules infectées plutôt que les agents infectieux eux-mêmes. Donc c'est un système qui est très important. Par exemple, on sait que les anticorps sont importants pour contrôler l'infection grippale, et on pourrait parler de la vaccination antigrippale, anti-H1N1 si vous voulez, mais on sait également que les cellules T cytolytiques sont très importantes parce qu'elles aident à nettoyer l'infection. Donc elles ne sont peut-être pas totalement essentielles, mais elles jouent un rôle très important pour aider à nettoyer l'infection. Donc ces cellules T cytolytiques, le problème, c'est qu'elles sont extraordinairement difficiles à doser. Et incidemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des vaccins développés à ce jour, enfin aujourd'hui jusqu'à 5 ou 10 ans, ont été développés en mesurant la réponse anticorps. Alors que depuis un certain temps, on sait pertinemment que ce n'est qu'une partie de la réponse immunitaire, mais simplement, on ne savait pas réellement doser en routine et suffisamment facilement les réponses des cellules tueuses. Et c'est incidemment l'une des raisons pour lesquelles le développement du vaccin contre le sida a été compliqué, c'est que la mise en place de ces dosages des cellules T cytolytiques capables, encore une fois, en principe, de détruire les réservoirs affectés, ces dosages ont été très compliqués à mettre au point. Ils sont très techniques, ils sont peu reproductibles, on pourrait en parler plus, mais ils sont vraiment très, très, très embêtants à faire et c'est un vrai frein, dans la recherche clinique contre les maladies infectieuses. Bref, il y a des moyens donc maintenant, qui sont encore, je pense, plutôt du cirque, enfin de la haute technologie, et pas encore dans la routine, mais ça peut venir, de doser les cellules cytolytiques sans aucun marquage, avec ces systèmes qui, encore une fois, détectent de très très faibles courants électriques. Ces courants électriques varient en fonction des charges, et sur des surfaces particulières, on observe des changements de pH minuscules à partir du moment où la cellule T s'active. Alors, je vous montre en gros ce que ça donne. Vous voyez, ça donne des choses comme ça. Ça, ça a été fait avec des cellules T qui ont un récepteur spécifique fait à partir de souris transgéniques. Mais vous voyez que dès lors qu'on ajoute le réactif spécifique qui déclenche l'action de CTL, on arrive à mesurer le temps. Et en gros, il faut 40 secondes pour que l'acidification soit observable, ce qui signale que la cellule T est activée. Donc il y a des systèmes qui se développent et la sensibilité pour l'instant n'est pas à une cellule, ce qui serait évidemment l'idéal, mais elle est à environ 200 cellules de détection, ce qui n'est pas mal du tout. Je vous donne pour terminer une application je vous donne le sens, un des sens dans lequel la microfluidique nous engage. Voilà un système qui permet de trier des cellules uniques qui sont encapsulées dans des petites gouttes d'huile et qui sont mélangées maintenant à des... Vous voyez, il y a un deuxième réservoir qui injecte dans le système de test d'autres petites billes qui contiennent une molécule, un médicament par exemple, que l'on veut tester sur la cellule en question. Et donc là encore, si vous voulez, l'astuce, c'est que les billes sont codées, soit par des couleurs, enfin il y a différents moyens de coder, mais elles sont codées par des couleurs. Et donc, avec un système comme ça, vous avez un système qui vous permet de tester des milliers de molécules sur des cellules et d'observer leur effet, ce qui peut avoir un développement important en matière de recherche pharmaceutique. Mais je voulais vous dire que, à part cela, ce n'est pas inintéressant de voir comment c'est applicable en biologie et à la marge en immunologie. Et je vous donne ici un exemple qui vient de collègues de Singapour, d'ailleurs, en partie, qui vient de l'analyse par microfluidique de la déformation ou de la déformabilité des globules rouges infectés par des plasmodiums. Alors, vous avez plusieurs types de plasmodium qui sont impliqués dans la malaria, et vous en avez deux majeurs chez l'homme, vous avez le vivax et le falciparum. Et curieusement, ils se conduisent différemment. Voilà le système de microfluidique, c'est tout bête. Vous passez des échantillons, et les globules rouges, ils passent un par un dans ce micro-canal, et il passe avec une certaine vitesse qui est de quelques microns par seconde à 30 microns par seconde à peu près. Et ce qu'on observe dans ce type de système, c'est que les globules rouges infectés par Plasmodium falciparum sont beaucoup plus rigides, ils passent mal, et ceux par Vivax, ils restent flexibles, ils passent bien. Et la raison pour laquelle je vous cite ça, c'est qu'il y a une interprétation biologique de ça qui est intéressante, c'est qu'il se pourrait que ça reflète en partie ce qui se passe dans la rate. La rate filtre les globules rouges qui sont destinés à être détruits. Et donc, l'un des moyens que trouve Plasmodium pour s'évader de ce mécanisme qui détruirait les globules rouges infectés, c'est de faire des globules rouges qui sont plus gros, plus rigides, etc., qui ne passent pas à travers les pores de la rate, de telle sorte qu'ils échappent à la dégradation. Et apparemment, on découvre ici une différence biologique qui pourrait être très intéressante entre deux types de plasmodies, le vivax et le falciparum. Alors, j'en ai terminé avec ces descriptions et je voudrais conclure sur un point qui est très important. C'est qu'au fond, tout ce que je vous raconte... c'est l'alliance de la biologie et de la physique. Toutes ces technologies requièrent des développements physiques extrêmement sophistiqués, de plus en plus sophistiqués. Je ne cite pas l'informatique, bien entendu, mais je pense que ce qu'on appelle la biophysique, ou ce qu'on appelait dans le temps la biophysique, en fait, elle est là. Et en réalité, cette alliance de la physique et de la biologie, elle se traduit aujourd'hui dans la naissance de toutes ces technologies qui sont en plein développement, qui sont complètement dépendantes de la physique pour progresser et qui, indubitablement, feront progresser la discipline. Et cela, comme vous le verrez la prochaine fois, est tout aussi manifeste dans les progrès de l'imagerie. Et je vous rappelle que la prochaine fois, dans la deuxième heure, nous accueillerons Philippe Bousseau, qui vous montrera d'ailleurs de très beaux films sur les cellules immunitaires en action. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.